c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. C'est l'histoire d'un étudiant en biologie qui, après son master, décide en 2014 de partir faire une thèse au Laos. Finalement, l'idée de la thèse tourne court, il s'arrête en Thaïlande et c'est dans une toute autre aventure qu'il décide de se lancer. Depuis sa chambre à Chiang Mai, notre étudiant Léo Grasset se mue en youtubeur. Il crée sa chaîne Dirty Biology, une chaîne de vulgarisation scientifique où il aborde avec humour, mais de façon extrêmement fouillée et rigoureuse, des thèmes aussi variés que la sexualité d'animaux improbables, les OGM ou encore l'espace. C'est un succès. Aujourd'hui, la chaîne compte pas loin de 800 000 abonnés. Des abonnés qui ont vu Dirty Biology évoluer depuis sa création. Aujourd'hui, Léo Grasset a quitté sa chambre. Il fait toujours de la vulgarisation, mais sur le terrain, de l'Arctique à la Birmanie, en passant par la République centrafricaine, le vidéaste répond aux questions que ses voyages lui inspirent. Aujourd'hui, Léo Grasset passe par notre bivouac et va nous raconter son expérience de youtubeur vulgarisateur tout terrain. En fin d'émission, notre séquence L'Aventure en direct nous emmènera du côté de la grotte ornée de Marsoulas, au cœur des Pyrénées, où des scientifiques étudient en ce moment des peintures rupestres vieilles de 17 000 ans. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Là, on va monter dans une mine désaffectée, tenter d'explorer un peu ce qu'il y a. Daniel Fievé. Allez, c'est parti. Sur France Inter. Voilà, on vient de monter, je sais pas, 200 mètres de dénivelé peut-être. Ici, il y a 22 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites, la couche charbonifère. Toutes les installations, toutes les infrastructures sont des infrastructures minières. C'est juste un passé houillé en fait. On est dans le Roubaix de l'Arctique. On est dans un décor qui est pratiquement intemporel. En fait, la mine a été fermée dans les années 80 et on pourrait très bien être au fin fond du Kansas ou de l'Arkansas en 1830. Il y a quelque chose d'un peu surréel, quoi. Allez. Souplesse. Waouh. Bonjour Léo Grasset. Bonjour. On vient d'entendre un extrait d'une vidéo récente mise en ligne sur votre chaîne Dirty Biology. Nous étions en Arctique. Où exactement? C'est dans l'archipel du Svalbard, ouais. Donc à 1000 km du pôle Nord à peu près. Et qu'est-ce que vous y étiez allé y faire? En fait, tout a commencé autour d'une bière. J'ai un ami qui a une chaîne de géopolitique qui s'appelle Mister Geopolitics. Et lui, en fait, son frère était étudiant à l'université de Svalbard, à l'UNIS. Et il nous a dit, j'y vais, et si vous voulez venir, on peut faire des vidéos ensemble, et ça sera super cool. Et donc on s'est vraiment dit, oui, on va faire ça, et on l'a fait. Et on s'est retrouvé donc avec Charles Villa qui travaille pour Brut, le média, et avec Gilda qui fait Mister Geopolitics, et Théo qui fait une autre chaîne qui s'appelle Balade Mentale. Donc on était à quatre vidéastes comme ça, et on s'est beaucoup amusé. Alors on a beaucoup réfléchi ensemble sur quel sujet on pourrait discuter et faire des vidéos. Et voilà, on s'est retrouvé dans des situations comme ça, dans des grottes de glace ou dans des anciennes mines désaffectées du Svalbard, quoi. Donc c'était vraiment exceptionnel comme aventure. Au départ, il y a un début d'envie d'exploration, d'aventure. Mm. Mais souvent, une fois que les vidéos sont abouties, ne nous y trompons pas, c'est très anglais. Il y a un sujet, il y a un fil conducteur. En l'occurrence, en Arctique, évidemment, le changement climatique était au centre de vos préoccupations et de vos questionnements. Oui, oui. En fait, c'est-à-dire, on est tous, toutes les personnes qui étaient dans ce voyage-là, se définissent comme des vulgarisateurs. Donc l'idée, c'est de simplifier un sujet et le rendre appétissant, sexy au plus grand nombre. Donc on est tous à peu près confiants qu'on peut raconter des sujets chouettes. L'idée, c'est quand on va dans un voyage comme ça, on essaye de trouver vraiment le truc le plus intéressant à raconter. Donc oui, moi je me suis focalisé sur le réchauffement climatique et ses conséquences un peu surprenantes. Et c'est vrai que quand on arrive sur place, je connaissais pas la moitié de ce que j'ai raconté avant d'arriver aux Svalbard. En fait, il y a tellement de choses qu'on découvre une fois qu'on met les pieds sur l'île, que du coup la vidéo s'enrichit et on fait des chouettes trucs. Ouais. Et alors vous faites ça un peu partout et c'est vrai que c'est assez étonnant la façon dont vous vous servez des pays que vous traversez pour aborder des questions pas forcément attendues. Par exemple, me revient en mémoire Marrakech, vous vous promenez dans le souk de Marrakech, mmh. Et là en fait vous faites toute une explication de comment s'établit notre sens de l'orientation. Mmh. Ça devient passionnant, mais ça aurait pu être fait partout ailleurs. Oui, j'aurais, je pense, pu faire ça dans un village français ou carrément. C'est, en fait, je me suis retrouvé là-bas un peu par hasard, voilà, en vacances. Et il se trouve que quand je voyage, je m'ennuie souvent. Enfin, il faut, enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je m'occupe. Et j'ai vraiment besoin de lire des choses sur les endroits où je vais. Il faut que je m'instruise. Et donc, je me pose plein de questions. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en général, je pars pas tout seul. Je parle avec des gens qui aussi se posent des questions. Donc là, sur place, bah, c'était à Fès et c'était ouais, dans la vieille ville qui est un dédale. Et donc, j'ai jamais réussi à trouver mon chemin du premier coup. Donc, je me suis demandé pourquoi je suis aussi mauvais, alors que tout le monde, enfin, tous les locaux s'en sortent très bien. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu découvert au passage le concept de carte mentale, etc. Donc, c'était l'occasion de faire une vidéo dessus, quoi. Ouais, c'était à Fès, pas à Marrakech, ma mémoire. Mais ça marcherait à Marrakech. Mais ça marcherait, oui. Le souk de Marrakech aussi est assez labyrinthique. Et puis alors dans une île perdue au Québec, là c'est l'occasion pour vous de vous poser une question absolument passionnante sur l'évolution humaine. Est-ce que les êtres humains aujourd'hui évoluent encore ? Pourquoi dans ce lieu-là, dans cette petite île perdue au Québec, c'est cette question-là que vous avez eu envie d'aborder ? Alors ça c'est je pense un des projets les plus différents du reste parce que pour une fois ce projet-là, j'y suis allé en ayant choisi à l'avance l'endroit. En fait, il y avait eu une publication scientifique qui avait été faite sur la petite population qui était sur cette île, qui est l'île aux Coudres. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais bien aller sur place et puis rencontrer des gens qui sont les descendants des gens qui ont été étudiés dans cette étude. Et puis, on pourrait faire une vidéo dessus. Bon, il se trouve qu'en plus, à l'époque, je passais la moitié de ma vie au Québec parce que ma copine de l'époque y habitait. Donc, c'est tout coïncidait, quoi. D'habitude, quand je fais une vidéo, c'est pas trop comme ça que ça se passe, c'est plus opportuniste. C'est-à-dire, je me retrouve dans un endroit et je vais chercher très fort des sujets dont je pourrais discuter, quoi. D'accord. Alors, évidemment, la vidéo est très fouillée encore, hein, ça dure 15-20 minutes, mais qu'est-ce que vous avez compris de « est-ce que l'homme évolue encore aujourd'hui ?» si on rentre dans le sujet, parce que c'est vrai que c'est une question passionnante. Alors oui, l'homme évolue encore, ça c'est vraiment le truc qu'il faut absolument retenir. Et il évolue dans des directions qui sont assez difficiles à prédire. Typiquement, les données sur lesquelles on est le plus sûr, c'est que ce qui évolue vite en ce moment... donc au sens vraiment génétique, sous sélection naturelle, c'est l'âge à la première reproduction. C'est l'âge auquel on est prêt à faire le premier bébé et auquel on fait ce premier bébé. Et ce qui peut paraître étonnant au public qui n'a pas forcément fait des études de biologie évolutive, et on les excuse, c'est que en fait, ce trait-là est en partie génétique, pas uniquement culturel. Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est culturel, hein, ouais. L'âge du premier bébé. En fait, on peut estimer, la biologie fournit plein d'outils, et en fait, dans ces outils, on peut estimer la part génétique de la part culturelle de n'importe quel trait qu'on peut mesurer, en se basant notamment sur les pédigrés, donc en fait les généalogies, et puis on peut regarder, par exemple, si j'ai une cousine au troisième degré, donc je connais mon apparentement génétique avec elle, je peux estimer, si on a le même trait, quel est le pourcentage de génétique dans tout ça, et puis on fait ça pour toutes les personnes à qui on est apparenté. Voilà. Alors la biologie, hein, ça vous a pas passionné depuis tout petit. En revanche, le voyage, c'est quelque chose qui est inhérent à votre vie. Vos parents, en fait, très tôt, vous avez grandi dans ce mythe avec des parents qui vous disaient un jour, on fera le tour du monde à la voile. Donc... Ah, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, je me souviens que quand on était on a grandi à Suril-Comtal dans la Loire et on était déjà un peu une famille particulière parce qu'on avait un bateau dans le jardin. La Loire c'est dans le Massif Central donc on se demande ce qu'il fait là. Et en fait très tôt nos parents nous ont dit on va partir voilà. Donc on avait aussi un très grand camping-car que mes parents avaient bricolé et on partait un petit peu partout en France. Souvent d'ailleurs pour aller retaper le dit bateau. Donc on avait eu un autre bateau qui était à Ouistreham au nord et on faisait souvent des voyages pour aller bricoler le bateau. Donc c'est en gros toute mon enfance, enfin notre enfance parce qu'on est une famille nombreuse, c'est... moitié du voyage et moitié retaper des trucs pour partir voyager ensuite. D'ailleurs, votre frère Colas Grasset, qui lui aussi a une chaîne YouTube, il fait de l'animation lui sur sa chaîne YouTube, et au détour d'une de ses vidéos, il raconte effectivement comment vous répariez ce bateau. On était en train de préparer notre bateau pour traverser l'Atlantique avec. Donc on vivait dans la partie chantier naval, où on se faisait réveiller tous les matins par des bruits de meuleuses, de ponceuses et de coups de marteau. Et de mon père qui gueule « Venez travailler !» Quoi ? Bon, j'en rajoute. Des fois, c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons ! Venez travailler ! Et vu qu'on était petits, on se retrouvait toujours à faire des trucs ingrats. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou. Allez garçon, quand la tête passe, tout le corps passe. Ok, continue de pomper, je tente de démarrer. Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. Deux enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant deux enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé, et c'était par accident et avec mon frère. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ouais, Léo Grasset, les préparatifs avant le voyage, vous aviez quoi, 14 ans à peu près à ce moment-là? Plus jeune que ça, là on avait 10 ans je pense à peu près. Ouais. Ah bah, bravo, bravo les parents. Et alors du coup, vous l'avez fait, alors c'est pas le tour à la voile que vous avez fait, mais ce bateau a été prêt et vous avez traversé pendant 20 jours l'Atlantique à la voile. Vous gardez quel souvenir de cette traversée? Incroyable, incroyable. L'Atlantique en particulier, on était vraiment au milieu de tout et on est tout seul en fait. Et il n'y a rien à se mettre sous l'œil, en fait, parce qu'il n'y a que de l'horizon. Non, c'était exceptionnel. Enfin, les 8 mois de ce voyage-là ont été incroyables. On a eu un ouragan. Enfin, vraiment, toutes les aventures qu'on lit dans les livres de voyage, en particulier en bateau, on les a eues, quoi. C'était assez fou. C'est vrai qu'on a fini par s'arrêter aux Caraïbes, parce que pour des problèmes de santé, donc on s'est calé là parce que c'était pratique. Et en fait, on a fini par vraiment aimer l'île et on est resté en Guadeloupe pendant 10 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était pas pour un tour du monde, mais la première escale, la Guadeloupe, finalement, vous y êtes resté 10 ans. C'est là, c'est en Guadeloupe que vous avez pris ce goût d'observer le monde, de vous intéresser à la biologie. Ouais, complètement, ouais. Alors j'ai eu la chance d'avoir des gens incroyables qui m'ont inspiré. Je pense que c'est... On n'en parlera jamais assez, mais les inspirations, c'est fondamental. J'ai eu notamment un professeur de biologie végétale qui m'a emmené en forêt pendant un stage et qui était vraiment une mine d'or d'informations sur tout le monde de la forêt tropicale. Puis en plus, c'est des forêts magnifiques parce que voilà, c'est des arbres de 30 mètres qui sont couverts d'épiphytes dans tous les sens. Il y a de la mousse, enfin bref. Et il arrivait par exemple, il coupait un bout d'écorce, il le goûtait, il disait « Ah bah c'est cette espèce enfin, ». Voilà. Donc quand on est face à une personne comme ça, on se dit « Mais c'est hyper intéressant, il y a trop de trucs à apprendre ». Et puis, donc ça c'est le côté terrestre, mais le côté marin, bon bah il y avait les coraux, il y avait les pontes de tortues marines qu'on allait regarder la nuit. Voilà. Enfin, on est en face d'un monde qui est hyper intéressant, donc c'est difficile de vraiment faire la fine bouche et de se dire « Non, ça m'intéresse pas ». Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez contracté les deux virus, hein, finalement. Ouais. Le voyage d'un côté et puis le goût des sciences, de la biologie. Vous faites des études de biologie et après votre master, vous allez alors d'abord passer par le Canada, mais ensuite le Zimbabwe. Et là aussi, ça a l'air d'être une expérience incroyable pendant 6 mois. Là, c'est déjà en tant que jeune chercheur hein, que vous vous rendez au Zimbabwe. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? En fait, là aussi, j'ai encore eu de la chance, je suis tombé sur un chercheur qui était très compréhensif. À la fin de mon master, je voulais pas enchaîner direct avec une thèse parce que j'avais pas trouvé de sujet qui me passionnait. Et il m'a dit, bon, pas de problème, ce qu'on peut faire, c'est une sorte de stage de 1 an. Ça a pas vraiment une valeur diplômante. Donc tu vas partir 6 mois au Québec faire de l'analyse de données. Et puis les autres 6 mois, tu partiras au Zimbabwe sur le terrain pour récolter des données pour moi. C'est ce que j'ai fait et c'était absolument incroyable parce que... Donc là c'est quoi? On est dans un parc naturel au milieu de la faune sauvage. Ouais. Vous êtes avec votre carnet ou peut-être votre ordinateur et vous récoltez des données. C'est vrai que c'est un rêve d'étudiant en biologie, ça. Ah oui, non, c'était incroyable. Enfin, pour les gens qui ont envie de faire du terrain, c'était formidable. En gros, tous les matins, tu te réveilles, tu prends ton café, tu l'emmènes dans un thermos avec ton 4x4 tout seul, tu... à accès au parc parce que tu as le statut de chercheur, donc c'est très simple de rentrer, sortir, tu peux même sortir des chemins, faut pas en abuser, mais voilà, si tu as besoin de te rapprocher d'un groupe de zèbres, moi c'est les zèbres que j'étudiais, et tu te poses et tu fais de l'observation, et là il y a tellement de trucs qui se passent, en particulier autour des points d'eau, il y a l'arrivée des éléphants, ils arrivent à 30 et ils viennent boire, puis il y a les girafes, puis les zèbres, puis les gnous, et puis on voit des lions, on voit des guépards, enfin vraiment c'est comme dans les livres pour enfants, sauf que c'est ça, et c'est tous les jours quoi, ouais. Donc c'est incroyable. Alors ça paraît merveilleux, est-ce qu'il y a aussi parfois quelques frayeurs, parce que voilà, c'est la faune sauvage avec des lions, vous l'avez dit, est-ce que parfois il y a eu des frayeurs? Ah oui, oui, on a quelques... Bah, je pense que toutes les personnes qui ont vécu plus d'un mois ou deux sur ce genre de terrain-là ont des histoires à raconter. Moi, c'est pas les histoires les plus folles, hein. J'ai rencontré des vieux de la brousse qui ont vécu des choses de ouf. Moi, j'ai eu deux, trois événements où je me suis retrouvé en panne en voiture, parce que les voitures, c'est un gros sujet là-bas, elles sont toujours malades. Et je me suis retrouvé en panne en voiture en attendant que quelqu'un vienne me pousser. Et il y a un éléphant qui s'est approché. Il était très très curieux, mais il était aussi très très gros. Et il était un petit peu, enfin, je sais pas s'il était en colère ou pas. Je parle pas vraiment bien l'éléphant, mais il s'est approché beaucoup trop près pour moi, pour ma zone de confort, et ça a duré très longtemps. Donc. Et une autre anecdote qui est un peu plus impressionnante, c'est on s'est retrouvé de nuit dans un parc à camper, en bivouaqué, voilà, en plein air. Et là, il y a eu un. On est arrivé, en fait, c'était à côté d'un point d'eau. Il y avait une énorme harde de buffles. Donc, qui dit buffle dit prédateur. Et donc, pendant la nuit, il y a eu une chasse. Voilà, les lions se sont mis à chasser les buffles. Et vous êtes au milieu de tout ça. Ouais, en fait, on est dans un parc entre guillemets, enfin dans un camp. Mais faut savoir que c'est un camp qui est au fond du parc national de Wangé et le parc national n'a pas nécessairement, ou en tout cas à l'époque, n'avait pas nécessairement les moyens de vraiment protéger les campements. Donc là, il y avait un fil de fer qui nous séparait de lions qui font 200 kilos et il y avait des éléphants aussi qui se faisaient chasser. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et tout ça, c'est sans la vue, parce qu'on est dans le noir, donc on ne fait que entendre les rugissements des lions, les cris des éléphants. Et là, j'ai vraiment eu peur comme je n'ai jamais eu peur de ma vie, je pense. J'imagine que vous n'avez pas dormi de la nuit. Non, très peu. Très peu, une personne. Vous racontez vos découvertes au Zimbabwe dans un livre intitulé « Le coup de la girafe » aux éditions du Seuil. J'imagine que le livre est toujours en vente. Ça veut dire que l'envie de vulgariser et d'expliquer n'est jamais très loin avec vous. Rien que cette expérience, alors que vous êtes tout jeune chercheur à ce moment-là, vous devez avoir quoi, 24, 25 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous en faites un livre assez rapidement. Ouais, à la base, en fait, je voulais. Donc, on avait un blog avec des amis. Et puis, enfin, comme je suis arrivé dans ce terrain-là, au Zimbabwe, je me suis dit, il y a trop de choses intéressantes à raconter. Et encore une fois, ce que je racontais tout à l'heure, c'est que quand je vais quelque part, eh ben, c'est pas que j'ai tendance à m'ennuyer, mais c'est qu'il y a une sorte de réflexe d'occuper mon cerveau avec essayer de m'instruire le plus possible, et voilà. Donc, par exemple, il y avait plein de termitières partout au Zimbabwe. On voit ces espèces d'énormes monticules de terre, très durs, dans lesquels les gens d'ailleurs forent à la pioche pour mettre l'intérieur des termitières dans leur champ, parce que c'est très fertile. Et du coup, je me suis intéressé à qu'est-ce qui se passe dans ces termitières. Donc, ça fait un chapitre du livre. Et en fait, effectivement, il se passe plein de choses dans les termitières. C'est génial. Donc, voilà. Donc, il y a toujours eu un peu, ouais, cette logique d'essayer de s'instruire, quoi. Après, vous allez partir pour une thèse au Laos, mais ça va tourner court. C'est finalement en Thaïlande que vous allez atterrir et que l'aventure YouTube va commencer pour vous. Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology, nous emmène dans ses aventures de vidéaste. Nous allons passer avec lui par la Birmanie, Madagascar ou encore la République centrafricaine. Mais on reste encore un tout petit peu au Zimbabwe. C'est Bob Marley qui nous y invite. Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, soon we'll find out who is the real revolutionary. And I don't want my people to be tricked by mercenaries. C'était Zimbabwe de Bob Marley and the Wailers sur France Inter, le temps d'un bivouac. Bonjour. Nialai, qu'est-ce que c'est ? Des gâteaux au sucre de palme. Mmh, alors le Mac-Mac. Le problème avec les desserts thaï, c'est que quand on a mis le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter. Ça va des claps ? Ah, oh non, je voudrais en goûter un. Attention, c'est chaud. Si. C'est round round. Ça, c'est des sortes de petits blinis. Oh, c'est chaud. Des yeux. Alors ça, c'est incroyable. C'est des petits gâteaux apéritifs thaï. Qu'est-ce que c'est ? Des sauterelles. Des petites sauterelles. Des larves. Fred Chéneau des nouveaux explorateurs de Canal+, Léo Grasset, vidéaste, créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Cette ambiance de marché thaïlandaise doit vous rappeler de bons souvenirs. Vous avez passé 4 ans de votre vie en Thaïlande, plus précisément dans le nord du pays, du côté de Chiang Mai. Et ces marchés et leurs saveurs sont un bon souvenir pour vous, j'imagine. Vous êtes régalé en Thaïlande. Oui, la nourriture me manque beaucoup, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Thaïlande ? Je disais juste avant de lancer la musique que vous partiez pour le Laos, pour une thèse, et puis finalement, vous êtes passé voir votre frère en Thaïlande, et pendant 4 ans, vous y êtes resté, vous êtes installé ? Alors, ouais, en fait, c'est un peu chaotique, mais en gros, je me suis retrouvé au retour du Zimbabwe sans trop savoir quoi faire. Je cherchais un boulot, tout ça, et puis donc il y a eu ce plan-là d'avoir une thèse au Laos, donc je suis parti de Guadeloupe pour qui était chez mes parents pour aller en Asie du Sud-Est, et il se trouve qu'à ce moment-là exactement mon frère venait de s'installer, donc j'ai squatté chez eux, et donc je me suis retrouvé dans une ambiance de coloc qui était absolument vraiment incroyable. Donc c'était que des gens créatifs qui étaient en train d'essayer de construire leur propre projet. Donc il y avait un compositeur, des animateurs, des illustrateurs, quelqu'un qui faisait de la 3D, voilà. Et on s'est tous installés dans une grosse coloc, une très grande maison, un manoir même, on pourrait dire. Et on a vécu là-dedans et on a tous fait nos projets, lancé nos projets. Et c'était vraiment, vraiment génial. Quoi. Pas en autarcie pour autant, vous vous êtes quand même intéressé à la culture locale. Oui, si c'était sûr. En Thaïlande, c'était pas pour rien. Oui, non, bien sûr, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le temps, en fait. On avait le temps vraiment de vivre la vie locale. Nous, on était un peu à l'extrémité de la ville, enfin en périphérie de la ville plutôt, donc on était vraiment dans un endroit où il n'y avait pas trop de touristes, et du coup on avait vraiment une petite vie de village entourée de gens avec qui on avait nos habitudes, enfin on allait toujours dans les mêmes restos, on rencontrait les mêmes personnes avec qui on finissait par se lier, ouais. Même si honnêtement mon niveau en thaï est pas incroyable. Ouais. Vous avez quand même appris à parler un peu, à baragouiner un petit thaï. Peu, voilà, ouais. C'est pour ça me faisait rire dans l'extrait l'accent français de la personne qui parlait, mais en vrai moi mon accent n'est pas excellent parce que, enfin mon thaï est pas bon parce que j'ai pas arrêté de partir et revenir pour des projets de vidéo, donc c'est sur une période de 4 ans que j'ai vécu là-bas, mais c'est vraiment en pointillé. Quoi. Ouais. Mais quand on vit comme ça en pointillé dans un pays, qu'on y revient, on a toujours l'impression d'être en voyage quand on y est, ou ça devient autre chose ? Alors ouais, c'est vraiment étrange, c'est très particulier. Moi, la Thaïlande, je m'y suis vraiment senti comme chez moi très vite. Et du coup, quand j'y retourne, je reprends tout de suite mes réflexes. Donc c'est assez chouette, il y a vraiment un truc comme à la maison. Mais c'est vrai que ça m'a pas fait la même chose partout. J'ai beaucoup, beaucoup bougé là, les 4 dernières années. Et il y a un moment où ça devient même un petit peu compliqué. On est tout le temps en déplacement. Donc en fait, on n'est jamais vraiment nulle part. On est toujours de passage, quoi. Ouais. Et c'est en Thaïlande donc que vous avez décidé de créer cette chaîne Dirty Biology. Pourquoi ce nom Dirty Biology? Alors à la base en fait les épisodes étaient en anglais. C'est mon frère Cola qui les présentait, mais c'était pas génial. Ça sympa pour lui. C'est ouais. Alors bah, d'une part je pense son anglais c'est pas qu'il était mauvais, mais c'est qu'il a un accent jamaïcain quand il parle, donc c'était pas incroyable. Et puis même on s'est dit que ce serait plus sympa que la personne qui écrive soit aussi celle qui présente. Donc j'ai tout repris et en français, mais j'ai gardé le nom de la chaîne. Mais ça veut quand même dire biologie crade, oui, biologie voilà. Sale. Alors biologie pourquoi sale. Ben, au départ, tous les sujets dont je voulais parler étaient vraiment montrer que la biologie, c'est pas la nature toute mignonne avec les animaux à fourrure qui font des sourires. C'est vraiment, c'est de la guerre, c'est des parasites, c'est de la compétition même au niveau du sperme. Enfin, vraiment dire, voilà, ça, c'est la biologie comme elle est vraiment, c'est dégueu, ça colle au doigt, quoi. Ouais. D'accord. Alors, effectivement, au début, c'était depuis votre chambre, hein, le voyage était présent dans votre vie, mais pas tellement dans vos vidéos, finalement. Et puis, ça a changé, c'est-à-dire que maintenant, vraiment dans la plupart de vos vidéos, vous nous emmenez loin, de plus en plus loin. Parfois, vous vous laissez surprendre dans le pays dans lequel vous allez par un sujet que vous n'aviez pas prévu. Exemple avec la Birmanie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans le plus grand livre du monde. Je suis actuellement dans la pagode de Kutodao, à Mandalay, en Birmanie. Et en fait, si vous imaginez que je vais vous amener vers un gros objet avec plein de feuilles, vous vous trompez un peu, parce que je suis actuellement dans le plus grand livre du monde. Ce livre, le plus grand du monde, est en fait constitué de 730 tablettes, chacune logée dans un stupa, dans une sorte de petite maison comme celle-ci. Et chaque tablette contient deux pages, puisqu'il y a deux faces à chaque tablette, un recto et un verso. Donc on se retrouve avec 1460 pages pour un livre de texte bouddhiste qui est étalé sur toute la superficie de la pagode. Ce projet a été initié par l'ancien roi de Birmanie à la fin du 19e siècle et l'idée était de conserver le Tripitaka, donc un texte bouddhiste, sur un support très durable pour que les textes bouddhistes puissent être accessibles aux croyants sur une très très longue durée. Le site royal de Kutodao impose le respect. Cette œuvre monumentale, qui pèse plus de 430 tonnes, représente l'espoir d'un monarque de freiner le processus spontané de la dégradation causée par le temps, bref, de laisser une trace. Alors là, Léo Grasset, évidemment, nous, on n'a pas la vidéo, hein. On est à la radio, ça mérite un peu de décrire, parce que cet endroit dans lequel vous vous promenez et vous nous racontez ce livre gigantesque, faut nous dire à quoi il ressemble. Alors en fait, faut imaginer qu'à ce moment-là, dans la vidéo, il y a un plan au drone, parce qu'on ne peut pas faire un plan avec sa caméra, c'est pas assez grand, donc il a fallu que je m'éloigne au drone d'environ 100 mètres pour qu'on ait toute la surface de la pagode, donc c'est un très grand édifice. Qui fait, je dirais, 150 mètres de côté, voilà, donc on a un très grand, voilà, une grande surface, et à l'intérieur de cette grande surface, il y a plein de petites pagodes, donc des petites maisons. Voilà, blanches, qui contiennent chacune une tablette. Et alors, ce qui est ouf, donc là, on a cette pagode-là, qui est très très grande, un temple, avec un temple au milieu, et son dôme doré, très joli, et en fait, il y a le double qui est à côté, pareil, une très très grande superficie, et alors qui lui contient pas le texte, là, le Tripitaka, mais il contient une explication de texte quelque part. Donc on a vraiment ces deux temples gigantesques, comme ça, qui sont au pied d'une colline, dans Mandalay, en Birmanie. Et ça, c'est juste un texte qui pèserait quelques kilo-octets sur un ordinateur. Voilà, ouais. Donc on se dit, waouh, c'est fou. Ouais. Ouais. Là, on prend le projet, quoi. Ouais, c'est ça, on prend la mesure du texte parce qu'on peut se promener dedans, de page en page. Vous, qu'est-ce qui vous avait attiré au départ? Pourquoi vous alliez en Birmanie? Alors, à la base, en Birmanie, c'était au moment où il y avait la crise des Rohingyas, dans l'état de Rakhine, l'Arakan. Donc, cette minorité musulmane qui subissait... un génocide, ce qu'on a appelé un génocide plus tard. Ils se sont fait sortir du pays. Je mets des guillemets en l'air, mais vous les voyez pas. Mais en gros, voilà, ils se sont fait pousser jusqu'au Bangladesh, où ils ont fini dans des camps de réfugiés. Et ceux qui n'ont pas réussi à fuir les militaires sont morts. Voilà. Donc, c'est leur sort qui vous a amené à vous rendre en Birmanie. Moi, je m'intéressais beaucoup à ça et je me suis demandé comment est-ce que les gens le vivent de l'intérieur et pas comment c'est justement les pauvres Rohingyas le vivent, mais plus comment les gens de l'autre côté de l'arme, en fait. Comment est-ce que le peuple birman voit ça? Voilà, est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il est révolté ou est-ce qu'il est à fond derrière? Voilà. Et derrière tout ça, il y avait une grosse réflexion autour de comment est-ce que nous-mêmes, en Europe, on a aussi, nos ancêtres ont commis des choses atroces avec d'autres peuples. Et je me demandais, mais comment est-ce que c'est aussi facile de glisser comme ça dans de la barbarie la plus atroce. Donc voilà, à la base, j'étais vraiment parti pour ça, puis je voulais rencontrer des Birmans, je voulais les faire parler un petit peu sur le sujet. Et puis en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très compliqué de faire parler les gens là-dessus, surtout en étant blanc, étranger, qui arrive pour les vacances. Je pense que ça prend plus d'expertise journalistique, plus de connaissances locales, etc. Donc c'était un projet qui n'était pas à ma portée. Et puis en me baladant dans le pays, je suis tombé sur ce livre, il y a eu plein de questions qui sont arrivées. Ouais. Alors vous en avez tiré une vidéo superbe, j'invite les auditeurs à aller la regarder. Les images sont superbes. Vous partez d'une légende toute simple. Je ne sais pas si vous pouvez nous la raconter en quelques secondes, parce que le temps passe vite, mais on peut peut-être prendre le temps quand même de la raconter, cette légende. Alors, donc, la légende, c'est qu'il y a un roi qui cherchait une sagesse. Il a demandé à tous ses sages de trouver une phrase qui serait la plus sage au monde, en gros. Et ces sages sont revenus avec une phrase qui est très simple. C'est « Cela aussi passera ». Et l'idée, c'est que, effectivement, toutes les tristesses que tu vis aujourd'hui vont passer. Même les joies aussi vont passer. Tout passera. J'ai été très percuté par ce conte que je raconte très très mal. Mais en gros, l'idée c'est de dire, tout flotte et on n'est qu'un blip insignifiant à l'échelle du temps. Dans tous les moments, dans les hauts ou dans les bas. Exactement. Cette phrase permet de relativiser. Et alors, vous partez de ce constat assez simple, mais ça vous permet de partir là encore dans des explications scientifiques sur le fait que, quoi que l'on considère, de toute façon, à toutes les échelles de temps, tout finit par passer, les planètes, les étoiles, tout est à une durée finie. C'est à la fois poétique, c'est à la fois scientifique, et c'est vrai que c'est assez ovni dans la vulgarisation, parce que ça ne se contente pas de jouer avec la connaissance. C'est ce que je préfère faire, en fait, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est le plus dur à faire. C'est un petit peu inspiré de... je viens d'une grande lignée de vulgarisateurs qui étaient tous bien plus forts que moi, comme Carl Sagan, par exemple, qui a vraiment réussi à combiner poésie et puis science, quoi, puis physique, astronomie. J'essaye de faire ça depuis quelques années maintenant. Ouais. Suite de notre bivouac avec Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, dans un instant, vous allez nous raconter ce que vous êtes allé faire en Centrafrique. Nous allons voir que votre chaîne prend un tour plus engagé. Make it better, c'était Anderson .Paak et Smokey Robinson sur France Inter, le temps d'un bivouac. On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai la chair de poule là, donc je suis content. Et puis il faut que ça marche parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Et puis pour le macaï surtout. Pour ces petits animaux qui m'ont fait pleurer la dernière fois. Pour ces plantes qui disparaissent. Pour ce petit Éden là qu'il faut protéger. C'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche, tout ce projet. La voix de l'explorateur Evrard Vandenboom s'apprêtant à pénétrer dans le Macaï, une région très isolée de Madagascar. Léo Grasset, vous avez accompagné Evrard Vandenboom lors d'une de ses expéditions dans le Macaï. D'abord, il faut peut-être décrire cet endroit qui est un peu à part, qui est un peu un monde perdu, isolé. Non, c'est complètement unique. Faut imaginer une sorte de très très gros cerveau géologique. Des espèces de petits couloirs comme ça dans lesquels on peut s'engager, des petits canyons. C'est un paradis pour le canyoning. Mais en gros, entre les vallées qui sont humides, parce qu'au fond des vallées, il coule de l'eau très très pure sur un lit de sable. Et donc, ces vallées qui sont humides, elles sont complètement différentes écologiquement des plateaux qui sont, eux, herbeux et vraiment très secs. Et on est dans un paysage vraiment que moi j'avais jamais vu avant. Je pense que ça se rapproche peut-être du parc national de Zion qui est aux États-Unis, mais encore, c'est vraiment incomparable, quoi. C'est un endroit unique avec aussi des espèces végétales et animales uniques qu'on ne trouve qu'ici. Et quel était votre rôle, vous, quand vous avez accompagné cette mission? Qu'est-ce que vous faisiez là, en fait? Bien, j'ai vraiment eu de la chance parce que, en gros, à la base, il y a un des étudiants qui travaille avec Evrard qui connaissait mon travail et qui voulait que je les accompagne et que du coup je puisse à la fois leur faire de la publicité et en même temps traiter tout le sujet du Macaï avec mon angle. Voilà. Mais ils ne savaient pas quel pourrait être cet angle et moi j'avoue que je ne savais pas non plus avant d'y aller. Donc une fois de plus, c'est sur place que vous avez décidé ce dont vous parleriez, ce que l'endroit vous inspirerait. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré comme question, comme réflexion même? Eh bien, donc à la base, j'ai plein d'idées comme ça en arrivant sur place. Puis j'ai un petit peu tout jeté dès la première semaine parce que je me suis rendu compte que vraiment la grosse thématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de la conservation des écosystèmes en prenant en compte quand même les humains qui vivent autour et en ne les éjectant pas complètement de l'équation. Je me suis rendu compte en faisant des recherches que la conservation des écosystèmes, c'est souvent faite avec de l'exclusion. Donc on crée des parcs dans lesquels la vie humaine ne peut plus exister. Et dans le Macaï, c'est pas complètement possible. Enfin, il faut que les gens puissent encore utiliser les ressources. Et donc, il y a vraiment une histoire de coopération. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Et c'est ce dont parle la vidéo que j'ai faite là-bas. Voilà, alors une réflexion assez éthique, plus que sur la biodiversité, même si évidemment ça touche ces questions-là. Et on s'en rend compte, vos réflexions évoluent. Vous n'êtes plus uniquement dans la pédagogie, dans la vulgarisation. On s'en rend compte avec une vidéo encore plus récente en Centrafrique. Vous y êtes allé à quelle occasion en Centrafrique? Alors il faut rappeler que c'est un pays qui est en plein chaos, avec des conflits. Vous le dites, même les habitants sur place savent même plus exactement pourquoi on se bat et pourquoi il y a des gens qui tirent. Vous êtes rendu là-bas, pourquoi? J'ai rencontré un des grands reporters français qui travaille dans tout un tas de terrains très compliqués comme ça, et lui il travaille pour Brut et il a lancé un projet où il invite des vidéastes de YouTube avec lui sur des terrains compliqués, donc au Tchad, en Syrie et donc là en Centrafrique avec moi. Et on est arrivé effectivement dans cet endroit-là avec Médecins Sans Frontières pour, discuter de quelque chose, mais on savait pas exactement quoi. Très vite, en discutant avec les médecins, je me suis rendu compte que le gros sujet, il était bactériologique, que sur place, ils ont un usage déraisonné et absolument pas suivi, en fait, parce qu'il n'y a pas de structure de santé qui gère tout ça, des antibiotiques. Donc, tout le monde est à fond antibio et donc, ils sont en train d'entraîner tranquillement des bactéries, enfin, de les sélectionner plus précisément. Pour qu'elles deviennent complètement résistantes et donc on s'achemine tranquillement vers une situation dont il sera difficile de sortir, sans dégâts en tout cas. Voilà. Et alors pour cette enquête, vous avez donc suivi Médecins Sans Frontières et vous avez assisté à des scènes difficiles. On va rentrer dans le bloc opératoire où il y a une dame qui s'est fait tirer dans la jambe. The bullet went through. La balle a traversé l'os, les vaisseaux sanguins et les nerfs. So the wound is open and the fracture. Donc la plaie est ouverte et la fracture aussi. On va enlever tous les tissus morts et on devra peut-être mettre un fixateur externe. C'est une blessure qui est assez courante ici. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'armes d'assaut, beaucoup d'AK-47 comme ça. Les chirurgiens ont vraiment l'habitude de faire ça. Et en plus, là, il s'agit d'une personne qui vient d'un endroit qui est assez loin de la capitale. Elle a dû être transférée par avion pour venir ici, dans le seul endroit où les gens pouvaient l'opérer. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de sauver la jambe, essayer de faire en sorte qu'elle puisse remarcher avec ses deux jambes un jour. Et si ça marche pas, ils vont être obligés de l'amputer. Donc là, l'opération vient de se terminer et malheureusement, les deux chirurgiens n'ont pas réussi à sauver la jambe. En fait, il se trouve que la balle était passée à travers une artère et donc avait sectionné l'artère. Et le pied n'était plus irrigué, donc ils ont dû sectionner pour éviter qu'il y ait une nécrose, enfin toute une gangrène. Pour une balle qui est passée dans sa jambe, elle se retrouve avec une jambe qui est réduite au niveau de la cuisse, quoi. Une balle, si ça tue pas, ça handicape, dans tous les cas. Votre travail, Léo Grasset, se rapproche de plus en plus de celui du journalisme. Vous avez commencé un peu sur un média alternatif, au moment où vous commenciez en tout cas, sur YouTube, avec ces petites vidéos dans votre chambre de vulgarisation, sur un ton très léger. 4 ans après, ou 5 ans après, on vous retrouve sur le terrain à traiter de choses beaucoup moins joyeuses. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Après, je ne sais pas si je vais rester à faire ça. C'est très imprédictible, en fait. Parce que tout simplement, ma chaîne, c'est aussi le produit des gens que je rencontre. Et je vais prendre un exemple. En 2015, j'ai sorti un documentaire que j'avais fait entre Bali et le Timor oriental. Et en fait, tout simplement, j'ai eu la chance de faire ça parce que j'ai un cousin qui m'a énormément influencé, inspiré. Et lui, il habitait au Timor oriental, donc il faisait du développement international là-bas. Travaillait avec les ONG. Voilà, votre ouais. Et donc, en gros, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce pays où on va assez rarement. Et tout simplement, en discutant avec lui et tout ça, des thématiques, je me suis rendu compte qu'il y avait un super sujet sur la géographie écologique et tout ça. Et ça a été le cas pour tout le long de la chaîne, en fait. Là, j'ai rencontré Charles qui travaille pour Brut, qui est grand reporter. Bon, il se trouve que du coup, je fais des reportages un peu comme lui, en tout cas dans des zones difficiles. Qui sait, peut-être dans un an, je vais rencontrer une autre personne et du coup, mon contenu va aussi changer. Voilà, donc je pense que je suis un peu, comme tout le monde, une éponge et je me fais vachement inspirer des gens qui m'entourent, quoi. Ouais, finalement, c'est les rencontres tout au long de vos voyages qui vous font évoluer. Il n'y a pas vraiment de plan ou de... Si, je pense que j'ai ma propre expression. J'ai des choses que j'ai envie de transmettre. Là, par exemple, cette année, j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur le monde autre que juste des vues. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec Médecins sans frontières. On a prévu un voyage plus tard en Afghanistan. Voilà, l'idée c'est d'essayer de rendre le monde un peu mieux ou moins pire qu'avant qu'on y soit. On n'est plus vraiment dans la vulgarisation, en tout cas plus seulement, il y a une sorte d'engagement. Oui, il y a un peu d'engagement. Avant, il y avait de la poésie, maintenant il y a de l'engagement. Peut-être qu'il y aura de nouveau de la poésie plus tard, je sais pas. Merci Léo Grasset. On peut découvrir votre chaîne Dirty Biology sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Restez avec nous dans un instant. Nous nous rendrons du côté de la grotte ornée de Marsoulas, cachée au cœur des Pyrénées. Une équipe de scientifiques y mène en ce moment une campagne d'études. Nous allons les appeler pour voir comment ça se passe. On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. Deux cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Les spectateurs sortent sonner du cinéma. Toi t'as la main dans la poche de mon jean. C'était Western Heroes de Abel Chéret sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Et à 17h52, nous partons faire un tour dans les Pyrénées du côté de la grotte ornée de Marsoulas. Allô, allô. Sur France Inter. Vous pouvez patienter un petit moment? Oui, oui, mais c'est le satellite qui m'attend. Oui, c'est le satellite, bien sûr. L'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour, Carole Fritz. Bonjour Daniel. Vous êtes archéologue au CNRS, au Centre de Recherche et d'Études pour l'Art Préhistorique, et vous êtes avec une équipe de chercheurs dans les Pyrénées pour étudier la grotte ornée de Marsoulas. Où se trouve cette grotte exactement? Décrivez-nous un peu les lieux. Oh, on est à 80-85 km de Toulouse, dans ce qu'on appelle les Pré-Pyrénées, des petites collines qui font à peu près 300 mètres de haut, c'est pas très haut. Et cette grotte, elle s'ouvre sur un flanc de colline, aujourd'hui dans un domaine un peu boisé. C'est très champêtre, on doit traverser un champ avec des taureaux et des vaches pour atteindre le flanc de cette colline. Ouais. Et c'est une petite grotte couloir qui fait une petite cinquantaine de mètres de long. Et au fond de cette grotte, il y a une grande descente et on atterrit les pieds dans un ruisseau. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que c'est une grotte exiguë pour vous rendre sur les lieux d'observation. Vous devez ramper parfois, vous mettre à quatre pattes pour accéder au site? Oui, alors pas dans la première partie, on va dire les 30 premiers mètres, on se tient debout et on a un peu de marge, mais la suite de la cavité, oui, il faut se mettre à quatre pattes et puis ça se resserre de plus en plus. Et comme les parois contiennent des dessins gravés et peints des deux côtés, faut faire très attention quand on circule de pas les abîmer. Eh oui, évidemment, ils sont précieux, ils ont 17 000 ans ces dessins et ces peintures. Qu'est-ce qu'on voit alors sur les parois de cette grotte? Alors on voit au premier abord, on voit des points rouges, des grands dessins rouges et noirs, puisqu'en fait Marsoulas contient les dessins polychromes des Pyrénées. Alors dans les Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup, surtout en France. Et là, il y en a une petite dizaine. Et puis surtout beaucoup de gravures, c'est-à-dire des animaux incisés dans le calcaire silex, ouais. Des chevaux, des bisons, des bouquetins, des rennes, des chouettes, voilà, toute la panoplie du paléolithique supérieur et surtout de la culture magdalénienne. Alors dans quel état de conservation sont-ils? Vous nous disiez il faut faire attention de ne pas les abîmer, mais sont-ils bien conservés ces dessins? Alors oui et non, parce que Marsoulas a été la première grotte découverte dans les Pyrénées en 1897. Et elle est restée longtemps ouverte. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées sans réellement savoir ce qu'il y avait dessus. Donc il y a beaucoup de graffitis, de parois frottées, de parois abîmées, surtout dans la première partie. Parce que les gens avaient un peu peur d'aller plus loin, ouais. Puisque ça se resserrait. Et puis vous savez, l'imaginaire autour des grottes n'est pas très bon dans notre culture occidentale. Donc ça a un peu préservé le fond, mais pas le début de la grotte. Ah, ouais. Et hélas, cette grotte est assez abîmée. Et alors qu'est-ce qui reste à découvrir dans cette grotte? Vous nous l'avez dit, elle a été découverte à la fin du 19e siècle. Là, vous y êtes pour une campagne d'études d'un mois. Vous avez commencé ça fin juin. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre pendant ce mois d'études? Eh ben, on étudie avec Gilles Tozello les dessins. C'est-à-dire que on va étudier chaque centimètre carré des parois gauche et droite, afin de relever, c'est-à-dire remettre sur le papier tout ce que l'on voit sur cette paroi. Donc les dessins et puis les graffitis pour pouvoir les isoler, etc. Et puis au final, puisqu'en plus cette année, c'est la dernière année de campagne, donc on va bientôt passer dans cette phase de publication, au final on aura toute la grotte du début au fond, avec les dessins qui se succèdent ou en palimpseste, donc qui se superposent les uns sur les autres. Et l'objectif, c'est de comprendre comment ces dessins ont été réalisés, ouais. Quelle est la construction qui conduisent à cette réalisation et quelle est la pensée qui conduit à mettre des dessins dans une grotte. C'est ça, hein, Carole Fritz. Alors, en 30 secondes, est-ce qu'on peut avoir une idée de la signification de ce que ces hommes, il y a 17 000 ans, ont voulu raconter ? Alors, on pense de plus en plus que ce sont des mythes que l'on a dans les grottes ornées. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de société de chasseurs-cueilleurs collecteurs comme étaient les Magdaléniens sans mythes. Et on pense que ces dessins, en fait, nous racontent ces mythes. Le problème, c'est que nous, on fouille les poubelles et on étudie les grottes ornées et qu'on n'a plus les locuteurs, on n'a plus les dessinateurs. Donc, on n'a plus les histoires. Donc, on essaie de reconstruire ces histoires comme on peut. C'est assez difficile. Et à Martoula, ça l'est particulièrement parce qu'on a beaucoup de superpositions des dessins les uns sur les autres. Ouais, donc, il y a du travail. On va évidemment vous laisser travailler. Merci, Carole Fritz. Pour en savoir plus, on peut lire le livre que vous avez écrit avec Gilles Tozzello, Martoulas, Renaissance d'une grotte ornée, aux éditions Errance. Un grand merci à vous, Carole Fritz. Passez le bonjour de notre part à toute l'équipe qui vous accompagne.